C'est la guigne. Rencontre ouverte, c'est du rock. Comme overdose en fétanie, y'a plus grand chose dans le stock. Pas de limite chargée à bloc. Virée d'un soir historique, défié gimmick, c'est la panique. Pas de limite, c'est listé rock. Je la croise à l'urféline. Je la toise chevelure. C'est la taillée pour la horde de mes six doigts sur ses six corps. Irait du lit romance gothique. De limite chargée à bloc. Effet gimmick, c'est la panique. Pas de limite.